Les mass-médias de divers pays ont présenté des succès dans le rétablissement des régions septentrionales sinistrées de la province du Hamgyong du Nord de la Corée. Les journaux, agences de presse, radio et internet russes, laotiens, birmans, vietnamiens, nigériens, brésiliens, américains et du Congo démocratique ont informé en détail de la lutte des militaires et civils coréens qui créent des mérites héroïques tous les jours pour le rétablissement des régions sinistrées sous divers titres comme « Rétablissement à une grande vitesse » et « Les militaires de l'armée populaire de Corée ouvrent une brèche dans le rétablissement ».